Voilà, bonsoir et bonne année puisqu'on est au début de l'année. Voilà, donc ici nous poursuivons notre étude de la lecture hébraïque de l'évangile de Matthieu. On va essayer de terminer à la fin de l'année. Donc nous aurons encore 3 séances sur cette question de l'évangile de Matthieu. Évidemment, on va être obligé d'aller très vite sur un certain nombre de choses qui auraient demandé, mais si on veut rester à fond et faire une étude exhaustive de Matthieu, on est là jusqu'à à peu près à la moitié du millénium. Alors on va être obligé évidemment de faire un raccourci assez rapide. La prochaine fois, Dieu voulant, je pense m'arrêter plus sur les discours de Jésus sur la fin des temps. Et puis on aura ensuite une dernière étude sur la passion. Selon saint Matthieu, c'est très important dans les relations avec le judaïsme en particulier d'être bien au clair sur cette question. Alors nous allons aujourd'hui nous arrêter sur un certain nombre de points qui jalonnent l'évangile de Matthieu à partir des paraboles. Bon, les paraboles, je ne vais pas y revenir parce qu'on a déjà traité de cette question il y a plusieurs années. Donc ça nous a permis de dégager pas mal de choses aussi. Mais je voudrais revenir sur l'épisode de la guérison de 2 démoniaques dont il est question dans le chapitre 10, où Jésus est accusé par ses adversaires de chasser le Satan, de chasser les démons, par Belzébul, le prince des démons. Belzébul, dans la tradition juive, c'est un des noms de Satan. Ça veut dire ça, c'est une déformation, en fait, de 2 mots hébreux, Baal Zevul, c'est-à-dire le seigneur des mouches. Pourquoi des mouches? Les mouches, c'est quelque chose qui finalement est assez négatif et a à voir aussi avec Satan. Mais c'est une des pires injures que l'on peut adresser dans le contexte de l'époque à quelqu'un. Donc c'était pour Jésus, de la part de ses adversaires, quelque chose d'extrêmement désobligeant que de dire qu'il chassait les démons par Belzéboul, le prince des démons. Et là, il nous faut parler justement un peu du contexte dans lequel Jésus a été amené à intervenir. Et je prendrai plusieurs aspects. Première chose, la foule. Deuxièmement, ce que la Bible appelle les pharisiens. Et puis ensuite, effectivement, les adversaires de Jésus. La foule d'abord. Il est souvent question de la foule. Les foules donc qui suivaient Jésus, et ce qui est très intéressant, c'est de remarquer que pratiquement partout où Jésus se rendait, à part de rares exceptions, il était toujours bien accueilli et il était toujours le bienvenu. Il avait toujours beaucoup de succès. Et il nous est dit, on aura l'occasion d'y revenir, quand on parlera de la passion, que la foule le tenait pour un prophète. Un prophète, c'est quelque chose qui, finalement, est assez ambigu dans le contexte juif de l'époque. Il y a cette idée dans le judaïsme que depuis les derniers des prophètes, au début du deuxième temple, l'époque du deuxième temple, la voix prophétique s'est tue. L'Esprit Saint a été retiré au ciel et l'on vit un temps très particulier que l'on appelle le temps du silence de Dieu. Et ce silence de Dieu, ce silence prophétique, ça veut dire où il n'y a plus de voix prophétique pour indiquer au peuple ce qu'est la volonté de Dieu, prendra fin au moment de la venue du Messie, au moment de la venue de l'ère messianique. À nouveau, le ciel s'ouvrira et le Saint-Esprit descendra, l'Esprit de prophétie. Et par exemple, dans les livres des Maccabées, à la fin donc de l'institution de la fête de Hanouka, Jonathan, le successeur de Judas, qui a été tué au combat, déclare ceci, il faudra donc mettre en pratique cette prescription de l'allumage des bougies. Je ne sais pas, vous connaissez tous un petit peu ce que c'est que Hanouka, donc qui se célèbre plus ou moins à l'époque de Noël, qui est la commémoration du miracle des Lumières, qui a eu lieu donc en 165-63 avant Jésus-Christ, après que Jérusalem ait été reconquis par les Asmonéens sur les Syriens, les Grecs, qui avaient profané le temple et qui avaient donc désacralisé Jérusalem, et ils ont rallumé le chandelier qui se trouvait dans le temple. Mais on était dans l'urgence, parce que l'on pensait que ce temps était le temps de la venue du Messie, que ce qu'on venait de vivre était un événement eschatologique majeur, et par conséquent, le Messie pouvait venir à tout moment. Mais il est écrit dans le livre de Malachie que le Messie devra entrer et se manifester dans le temple. Soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Or, il fallait que le temple soit propre à recevoir le Messie, et notamment que le chandelier à sept branches soit allumé. Et comme on n'avait plus d'huile, on a retrouvé par hasard, si j'ose dire, pas vraiment par hasard, parce que ça avait été caché par un prêtre avant la désacralisation du temple, mais cette petite fiole était bien trop petite pour brûler le temps nécessaire de fabriquer de l'huile. Vous savez, on ne pouvait pas brûler dans le chandelier n'importe quelle huile. C'était une huile spéciale dont la description nous est donnée d'ailleurs dans le livre des Nombres. Mais, selon le texte du livre, il nous est dit qu'on a fait un acte de foi. On a allumé cette bougie, cette fiole d'huile, je dis, et le miracle des lumières s'est produit, à savoir que cette petite fiole d'huile a brûlé pendant 8 jours le temps nécessaire de fabriquer de l'autre huile. Et en souvenir de ce miracle des lumières, il y a une prescription qui a été donnée à cette période-là, que en souvenir de ce temps, chaque année, au moment du 15e jour du mois de Kislev, où avait lieu le miracle, eh bien, on devait allumer dans chaque maison juive une bougie tous les jours pendant 8 jours de la fête. Ce qu'on appelle donc la fête de Hanouka. Il en est question uniquement dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean, où il nous est dit qu'on célébrait à Jérusalem la fête de Hanouka. Dans nos Bibles, c'est traduit par la dédicace, l'inauguration, quelque chose comme ça, mais en fait, c'est la fête de Hanouka, c'était l'hiver, et de fait, c'est une fête qui se célèbre en hiver, grosso modo, ça coïncide toujours à peu près avec l'époque de Noël. Bon. Et donc, cette prescription, elle nous est donnée de la manière suivante: il faudra allumer ces bougies d'année en année, jusqu'à ce que vienne un prophète et qu'il nous dise ce qu'il devra être fait. Donc ici, on est dans une période d'attente messianique. Et le prophète en question, qui est-il en fait? Il faut savoir que l'attente messianique dans cette période, c'est quelque chose qui n'est pas très évident. D'abord, il faut savoir que tout le peuple d'Israël n'attendait pas le Messie. Par exemple, les Sadducéens n'avaient aucune espérance messianique, quelle qu'elle soit. Pour ce qui est du reste du peuple, il y avait des conceptions différentes du Messie. Et on voit ça, par exemple, dans les livres apocryphes de l'époque, les livres d'Enoch, par exemple, l'Assomption de Moïse ou d'autres, il y avait des conceptions différentes du Messie. À Qumran aussi, par exemple. Alors il y avait, en gros, disons grosso modo, 2 conceptions du Messie. Le Messie était fils de David, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Messie royal, ou il était un Messie aaronide, c'est-à-dire c'était un prêtre. D'autres aussi voyaient en lui le prophète qui avait été annoncé par Jonathan, et qui finalement serait plus qu'un prophète, il serait le prophète messianique. on trouve un peu cette conception dans le Nouveau Testament en ce qui concerne la personne de Jean-Baptiste. Et puis, il y avait aussi une autre conception qui voyait dans le Messie le serviteur souffrant des poèmes de la deuxième partie du livre du prophète Ésaïe. Si bien que, si vous voulez, et puis il y avait bien sûr aussi, alors ça j'ai oublié de mentionner, mais c'est très important, l'idée d'un Messie guerrier, d'un Messie pourfendeur des Romains, qui lui alors par contre était le Messie zélote. Alors, voyez-vous, il y avait beaucoup de conceptions du Messie. Et qui était véritablement, quel devait être le Messie, quel était le Messie que le peuple d'Israël attendait, ben finalement c'était très vague. C'était quelque chose de très nébuleux. Et voyez-vous, quand on reproche au peuple d'Israël de ne pas avoir reconnu le Messie, il faut se dire que ce n'était pas une chose qui était forcément évidente. Il était donc aussi très très clair que quand on Jésus était un prophète, ça personne n'en doutait. Et il était un prophète entre autres parce que il faisait des miracles, à l'exemple d'Élie et d'Élisée. Et vous vous souvenez, les disciples d'Emmaüs diront ceci au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant les hommes. Au moment de la résurrection du fils de la veuve de Naïn, le peuple proclame « Un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Alors, faut-il voir dans cette expression « un grand prophète » simplement un prophète à l'image, par exemple, comme ce sera le cas dans la confession de Césarée et de Philippe, de Jérémie, d'Ésaïe, ou même d'Élie et d'Élisée, disons, ou bien un prophète d'une nature supérieure. En tout cas, il y a un texte dans le livre du Deutéronome qui nous dit ceci au chapitre 18. Le Seigneur, c'est Moïse qui parle, vous suscitera un prophète comme moi. Or, il nous est dit, à la fin du livre du Deutéronome, qu'il ne parut plus de prophète aussi grand que Moïse, plus grand que Moïse. Ça veut dire, Moïse est le plus grand de tous les prophètes. Par conséquent, le prophète eschatologique, le prophète messianique que l'on attendait pour la fin des temps, était effectivement un prophète qui serait un second Moïse. Et ça, nous l'avons vu, c'est le thème essentiel de Matthieu. Matthieu qui nous présente comme Jésus, comme le prophète, le nouveau Moïse qui devait apparaître selon justement ces deux prophéties du livre du Deutéronome. Et voyez-vous, un grand prophète, d'ailleurs on voit ça aussi dans les propos des disciples d'Emmaüs, Jésus qui était un prophète puissant en parole et en œuvre, on l'a vu tout à l'heure, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. C'est une manière de dire, nous espérions que c'est lui qui serait le Messie. Donc voyez-vous, d'une vision d'un prophète, d'un simple prophète, ce qui était une chose qui était professée par une partie du peuple. Et puis l'idée d'un prophète messianique à l'image de Moïse, qui serait effectivement le libérateur d'Israël, eh bien, il y avait place pour beaucoup de nuances dans ce domaine-là. Maintenant, il faut dire aussi que Jésus n'a rien fait, au contraire, pour lever cette ambiguïté. Et les exégètes s'accordent pour dire que dans les évangiles synoptiques en particulier, il y a ce qu'on appelle l'arcane ou le secret messianique. Jésus a toujours refusé de dire ouvertement qu'il était le Messie. Pourquoi ? Parce que Messie, donc roi, c'est ça, le roi qui a été oint, c'est ça que ça signifie le Messie, c'était pas un crime pour les Juifs. Dans l'histoire d'Israël, il y a eu des dizaines, voire même des centaines de faux messies. On n'en a crucifié aucun. n'importe qui peut dire qu'il est le Messie. Encore aujourd'hui, il y en a qui le disent en Israël. On ne les inquiète pas. La seule chose, c'est que si l'on prétend être le Messie, il faut le prouver. Bien. Donc pour les Juifs, ça n'avait... c'était indifférent. Mais par contre, pour les Romains, c'était autre chose. Parce que un roi qui était roi, c'est forcément un rebelle contre l'autorité romaine. C'est un concurrent de César. Et Jésus sera finalement crucifié par les Romains pour s'être proclamé le Messie. Et le titulus qui était sur la croix, c'est-à-dire le motif de sa condamnation, était celui-ci, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, le Messie. Et quand on le couronne d'épines, c'est aussi une parodie pour se moquer de ses prétentions messianiques. Donc, il était extrêmement dangereux pour qui que ce soit de se proclamer Messie, parce que les Romains traquaient sans pitié tous ceux qui se prétendaient les Messies. Et il ne se passait pas une fête de Pâques sans que quelques-uns de ceux qui pouvaient prétendre être les Messies étaient donc mis à mort par les Romains, en général d'ailleurs, par crucifixion, comme ce sera le cas justement pour Jésus. Et c'est pourquoi Jésus a toujours évité soigneusement de dire qu'il était le Messie. Nous allons nous arrêter sur ce qu'on appelle la confession de Pierre à Césarée de Philippe, qui nous est décrite dans le chapitre 18 de l'évangile de Matthieu. Et donc Jésus demande à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Et de fait, que dit-on de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et finalement on lui répond, un des prophètes. Et Jésus dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, au nom des 12, répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Yohana, parce que c'est pas la chair et le sang, c'est-à-dire, c'est pas humainement que tu es arrivé à cette conclusion, mais c'est par une révélation de l'Esprit de Dieu. Et ensuite, nous est dit, Jésus interdit sévèrement à ses disciples de dire qu'il était le Messie. Parce qu'effectivement, ça aurait été trop dangereux pour lui. Jésus, quand il a posé cette question à ses disciples, était déjà dans une situation délicate. Il avait dû fuir les frontières du pays d'Israël parce qu'il était poursuivi par la vindicte de Hérode Antipas, qui venait de mettre à mort Jean-Baptiste, et par conséquent, ce n'était pas le moment de se signaler à l'autorité romaine. Et donc, Jésus refuse jusqu'à un certain moment. Et ça va être l'entrée à Jérusalem. À Jérusalem, il entre sur l'âne des rameaux. Et ça, c'est un signe messianique. Et c'est tellement un signe messianique que des pharisiens, on va revenir tout à l'heure sur les pharisiens, lui disent, calme tes disciples. Alors, on peut prendre ça de mauvaise part, en disant, mais c'est parce qu'ils ne croyaient pas. Non, c'est parce qu'ils avaient le souci de Jésus. Attention, tu en fais trop. Tu vas alerter les autorités romaines, et c'est ta vie qui est en jeu. Donc calme-toi et calme tes disciples. Mais Jésus le faisait exprès. Et non seulement non content d'entrer à Jérusalem sur l'âne, mais il va chasser les vendeurs du temple, ce qui est aussi un signe messianique, selon ce qu'on trouve dans le chapitre 14 du livre du prophète Zacharie. Il dit, il n'y aura plus de marchands dans mon temple, dit le Seigneur. Et de fait, selon une certaine tradition, une des fonctions du Messie, quand il instaurerait son règne, serait de purifier le temple de tous les trafics louches qui pouvaient s'y manifester, comme c'était annoncé dans le livre du prophète Zacharie. Et là, en agissant de cette manière-là, Jésus signe son arrêt de mort, et il le sait. Et de fait, les grands prêtres vont réagir immédiatement. Les grands prêtres qui sont, comment dirais-je, les valets au service des Romains, ceux qui ont pour mission de signaler aux Romains tous les rebelles éventuels, et qui sont ce qu'on appellerait aujourd'hui, dans notre langage moderne, des collaborateurs, comme il y avait les collabos pendant la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui collaboraient avec les Allemands. C'était finalement le même genre de personnages, et ce sont ceux-là, justement, on aura l'occasion d'y revenir, qui ont livré Jésus aux Romains. Donc, si vous voulez, il y avait ce secret messianique, et la foule du peuple d'Israël était finalement dans une certaine interrogation au sujet de Jésus. Un prophète, pas de problème, ça c'est évident. Mais un simple prophète, ou plus qu'un prophète, et éventuellement même le Messie. Un des signes du Messie, un des signes qu'il doit donner pour montrer qu'il est le Messie, c'est qu'il ressuscite les morts. Or, c'est exactement ce que Jésus va faire au début de cette fête de Pâques, quand il va ressusciter Lazare, qui est dans le tombeau déjà depuis 4 jours. Il nous est dit qu'une foule nombreuse a assisté à ce miracle, et notamment un certain nombre d'adversaires de Jésus, qui sont allés donc rapporter au grand prêtre ce qui s'était passé. Et finalement, le triomphe des rameaux qui suit cet événement est rendu possible du côté de la foule qui a vu ce miracle et qui, de fait, est en train de se demander si Jésus n'est pas véritablement le Messie. Maintenant, il y a effectivement les adversaires de Jésus. Ces adversaires, qui sont-ils? Alors, les évangiles, notamment l'évangile de Matthieu, chargent d'une manière qui peut sembler, disons, constante, les pharisiens. Les pharisiens d'une manière globale. En sorte que, dans notre langage moderne, pharisien est pratiquement devenu une injure. Synonyme d'hypocrite, de gens religieux, de tartuffe et de tout ce qu'on voudra. Or, il faut savoir que les choses sont beaucoup plus nuancées que ça. Et il faut savoir d'abord que la secte des pharisiens, les pharisiens n'étaient pas finalement un groupe si nombreux que ça, quelques milliers seulement. Mais c'était des gens qui jouissaient d'une grande autorité spirituelle et morale au sein du peuple, comme dira Jésus, en parlant d'eux, ils sont assis dans la chaire de Moïse, ça veut dire, ils sont les maîtres à penser du peuple. Les pharisiens étaient aussi un groupe qui était multiple. Et il y avait notamment 2 grandes tendances chez les pharisiens. Une tendance très rigoriste, qui avait pour chef de file un leader qui s'appelait Shammai, et qui était un homme extrêmement dur. D'ailleurs, de là vient notre mot français, se chamailler. Et puis, un homme qui était absolument son contraire. Autant Shammai était rigoriste et dur, autant son collègue s'appelait Hillel. Lui était un homme doux. Et on l'appelait à cause de cela le doux Hillel. Et Hillel était un homme qui avait, comment dirais-je, une tendance extrêmement libérale. Il était très ouvert, par exemple, aussi aux païens. On aura l'occasion aussi d'en reparler. Et il est clair que les adversaires de Jésus n'étaient pas tous les pharisiens, mais c'était les pharisiens de l'école de Shammai. Il y avait des pharisiens qui était favorable à Jésus. Citons Nicodème, par exemple, Joseph d'Arimathée, un certain Shimon qui avait invité Jésus à manger chez lui et qui était l'occasion de l'histoire de la pécheresse qui était venue oindre les pieds de Jésus avec un parfum de grand prix. Ces pharisiens que j'évoquais tout à l'heure, qui avaient essayé de calmer les disciples parce qu'ils se rendaient compte que en provoquant les Romains comme ils le faisaient, Jésus prenait des risques énormes. Bien, j'ai cité tout à l'heure le fait aussi que des pharisiens avertissent Jésus de l'intention d'Hérode Antipas de le mettre à mort comme il l'a fait pour Jean-Baptiste, ce qui va permettre à Jésus de s'échapper et par conséquent de ne pas subir le sort qui lui avait été réservé par ce sinistre personnage. Donc il y avait des pharisiens qui étaient favorables à Jésus. Et ça, il faut le dire, parce que dans notre vision de l'Évangile, tous les pharisiens sont des méchants. C'est pas vrai. Et pourtant, Jésus avait des controverses avec les pharisiens. D'abord, il faut savoir que Jésus, de tous les groupes juifs qu'il y avait à cette époque-là en Judée, parce que la Judée était aussi très morcelée, il y avait le judaïsme de l'époque n'était pas monolithique, il y avait différents groupes, je ne dirais pas des sectes, parce que secte, dans notre langage moderne, ça a toute une dimension péjorative qu'il n'y avait pas à cette époque en Israël, mais disons des écoles de pensée, disons les choses comme ça. Et donc, les pharisiens représentaient le courant principal. Et c'est de ce courant que Jésus était le plus proche. On a essayé de faire de Jésus quelqu'un qui était proche des Esséniens. Mais les Esséniens étaient un groupe marginal. Et Jésus, en tant que Messie, avait pour fonction, comme c'est écrit dans les prophètes, d'être le rassembleur du peuple. Vous trouvez ça aussi, par exemple, dans l'Évangile de Jean, où il nous est dit que Jésus devait mourir pour le peuple, mais pas seulement pour le peuple, mais pour rassembler en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. Et de très nombreuses prophéties de l'Écriture nous parle du Messie comme celui qui, à la fin, doit rassembler les enfants d'Israël dispersés pour les ramener dans leur patrie ancestrale. Donc, le Messie, c'est un rassembleur. Et pour être le rassembleur, Jésus se devait, évidemment, de ne pas appartenir à un courant marginal, voire sectaire, comme les Esséniens, mais appartenir au courant majoritaire qui était celui du peuple d'Israël, à savoir le courant pharisien. Il n'y appartenait pas vraiment, mais il en était proche. C'est de cela qu'il était le plus proche. Et vous savez, c'est souvent avec ceux avec lesquels on est les plus proches qu'on a les plus violentes controverses. Et clairement, quand nous regardons les controverses entre Jésus et les pharisiens, nous constatons que Jésus était en gros d'accord avec eux sur l'essentiel, mais qu'ils divergeaient sur des détails. Et les controverses avec les pharisiens tournent autour justement de l'application des commandements. Non pas les commandements eux-mêmes, Jésus ne remet pas en cause la Torah ni les commandements. Nous en avons déjà parlé là ensemble la dernière fois, quand nous avons vu le sermon sur la montagne, où Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, mais qu'il est venu pour accomplir. Mais ce faisant, donc, ici, Jésus discute sur ce qu'on appelle en hébreu la halakha, c'est-à-dire l'application pratique des commandements. Exemple, Jésus n'a jamais remis en cause le Shabbat en tant que tel. Et c'est intéressant parce que s'il avait violé le Shabbat, comme on le lui fait dire en milieu chrétien, évidemment, c'est une chose que ses adversaires n'auraient pas manqué de relever et de l'accuser dans son procès. Or, on l'accuse de différentes choses, notamment de blasphème contre le temple, mais pas de viol du Shabbat. Parce que dans ce monde-là, on ne peut pas le prendre en défaut. Mais par contre, c'était sur l'application pratique du Shabbat. On a une controverse célèbre qui nous est rapportée dans pratiquement les trois synoptiques, où les disciples, un jour de Shabbat, traversent un champ de blé mûr, ils cueillent des épis, les froissent et les mangent. Alors, grosse controverse, est-ce que oui ou non, c'est permis de faire ce que les disciples ont fait? Et finalement, Jésus discute, et finalement, on constate que, beaucoup plus tard, à l'époque de la Mishnah et du Talmud, c'est-à-dire un ou deux siècles après cet épisode, eh bien, les rabbins légifèrent dans le même sens que Jésus. Ils disent, le jour du Shabbat, on a le droit de cueillir des épis mûrs et de les manger crus, mais on n'a pas le droit de les faire cuire. Ce qui est exactement ce que les disciples ont fait. Donc, voyez-vous, Jésus était parfaitement en accord avec la halakha. Autre point qui nous est rapporté aussi justement dans l'évangile de Matthieu et plus encore dans l'évangile de Marc au chapitre 7, c'est le fait de ne pas manger sans s'être lavé les mains. C'est une règle aujourd'hui encore dans le judaïsme. Même si vous sortez de votre douche, avant de vous mettre à table, vous devez vous laver les mains, non pas parce que vos mains seraient sales, mais c'est une question de purification. Ça veut dire que si vous mangez avec des mains non lavées, vous rendez les aliments impurs. Alors, aliments impurs, soyons bien clairs, ça n'a rien à voir avec la cacheroute. Ça veut dire que même si vous prenez des aliments cachers, mais que vous les mangez avec des mains non lavées, vous les souillez et par conséquent, vous absorbez un aliment qui est un aliment impur. Jésus ne se sent pas du tout lié par cette règle-là. Et lui et ses disciples mangent avec des mains non lavées. Pourquoi? Parce que, finalement, cette prescription, vous ne la trouvez nulle part dans l'Écriture. C'est tout simplement une prescription de la tradition pharisienne, de la tradition juive, mais qui n'est absolument pas mentionnée dans l'Écriture. Et Jésus la récuse, dit, écoutez, moi je ne vois pas pourquoi manger avec des mains non lavées rendrait les aliments impurs. Qu'est-ce qui rend un être impur? C'est pas ce qu'il absorbe, dit Jésus, mais c'est toutes les choses mauvaises qu'il y a dans son cœur. Voilà ce qui souille l'homme. Et ce faisant, contrairement à ce qu'on a voulu dire, ça se termine par exemple dans l'évangile de Marc de la manière suivante, car il déclarait pur toute nourriture, et on a conclu que Jésus autorisait et annulait la cacheroute, et qu'il autorisait à manger du porc, du lard et du cochon, pas du tout. C'était, encore une fois, une différence entre ce qui est cachère et ce qui est pur ou ce qui est impur. L'aliment qui est pur ou qui est impur. Ça veut dire que, voyez-vous, Jésus ne se sentait pas lié par la tradition pharisienne quand la tradition pharisienne ne concordait pas avec l'Écriture. Il avait cette liberté. Et ça, c'était donc l'essentiel des controverses qu'il y avait entre Jésus et les pharisiens. Maintenant, Jésus a vis-à-vis des pharisiens un autre grief. Et on le rencontre à la fin de l'évangile de Matthieu, en particulier dans le chapitre 23, dans une grande invective contre les pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. On appelle ça en hébreu une kina, c'est-à-dire une espèce de lamentation sur des gens qui ne marchent pas droit avec Dieu. On trouve ça dans les écrits prophétiques très souvent. Et d'ailleurs, notons en passant que ces invectives de Jésus contre les pharisiens ne vont pas au-delà de ce qu'on trouve dans les textes du même genre qu'on trouve chez les prophètes. Jésus se situe à fond dans la lignée des prophètes. On trouve ça aussi chez les Esséniens, etc. Bon, c'était quelque chose de courant à cette époque-là. Qu'est-ce que Jésus a contre les pharisiens? Eh bien, il a simplement ceci. C'est que même les pharisiens qui lui étaient favorables, ou disons qui ne lui étaient pas hostiles, disons, eh bien, il ne lui faisait pas entièrement confiance. Et on les voit, par exemple, à une certaine circonstance, demander un signe venant du ciel pour montrer que Jésus est véritablement le Messie. Et on verra ça aussi avec Gamaliel dans le chapitre 5 du livre des Actes, quand donc les apôtres sont traduits devant le Sanhédrin, Gamaliel les fait sortir et dit finalement ce Jésus, ce mouvement de Jésus, ben, on a du mal à en faire le tour. Est-ce qu'il est de Dieu? Est-ce qu'il n'est pas de Dieu? Alors, eh bien, il faut attendre. Il faut attendre d'y voir plus clair. Si ce mouvement subsiste, de fait, il y a des chances qu'il soit de Dieu. Mais c'est trop récent. On ne peut pas prendre parti. Et voyez-vous, finalement, ce jugement devant le Sanhédrin va se terminer par finalement une non-décision. On laisse les choses en état. On verra plus tard. Ça veut dire, les pharisiens refusent de s'engager, même ceux qui sont favorables à Jésus, refusent de s'engager sur la messianité de Jésus. Et finalement, Jésus dit, si vous, les pharisiens, vous avez pris ouvertement position pour moi devant le peuple, c'est tout le peuple qui était gagné. Parce que vous êtes assis dans la chair de Moïse. Et si les pharisiens avaient reconnu en Jésus le Messie, c'est tout le peuple qui a aussi été gagné par le Messie. Et Jésus leur reproche d'être resté dans cette expectative sans finalement de prendre de décision ferme et véritable à ce sujet-là. Et ce faisant donc, ici, voyez-vous, les choses sont assez complexes par rapport à Jésus. Le peuple considère que Jésus est un prophète, mais n'est pas sûr à 100% qu'il est le Messie. Les pharisiens, du moins ceux de l'école de Hillel, ne sont pas hostiles à Jésus, mais finalement manquent d'éléments à leur point de vue pour affirmer qu'il est véritablement le Messie. Et c'est sûr qu'il faut reconnaître que Jésus ne les a pas tellement aidés dans ce domaine. Il ne leur a pas donné les signes qu'ils attendaient, et pour des raisons que nous avons dites, parce qu'autrement, ils se suicidaient. C'était par rapport aux Romains. Donc, si vous voulez, la situation était en Judée très complexe à ce point de vue-là. Maintenant, il y avait des pharisiens, de fait, qui étaient des adversaires de Jésus, les Shamaïmites en particulier. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient que les miracles de Jésus étaient suspects, dans la mesure où, comme nous l'avons dit tout à l'heure, selon leur doctrine, depuis la fin de l'époque du premier temple, le Saint-Esprit était retiré d'Israël. Par conséquent, quelle était la puissance qui était derrière les miracles de Jésus? Et là, on voit notre texte tout à l'heure, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Cette accusation, on la retrouve dans les textes rabbiniques également. Les textes rabbiniques sont tous d'accord pour affirmer que Jésus faisait des miracles. Personne ne pouvait le nier. On trouve ça aussi dans l'évangile de Jean, tout à l'heure, nous avons vu, quand Jésus est jugé in absentia par le Sanhédrin, après la résurrection de Lazare, miracle que personne ne peut nier, car il dit, ben, que ferons-nous à cet homme, puisqu'il est évident qu'il fait beaucoup de miracles. Ça, c'est pas discuté. Et intéressant de noter que la tradition juive ultérieure, qu'on trouve par exemple dans le Talmud, à partir du 3e, 4e siècle de notre ère, donc bien après les événements, et dans un texte du 10e siècle, c'est-à-dire de l'époque du Moyen-Âge, le fait que Jésus faisait des miracles n'est absolument pas mise en doute. Mais le problème est de savoir, comme le dit le texte de Matthieu, qui semble avoir été vraiment, Matthieu lui, très au courant de cette controverse qu'il y avait chez les pharisiens qui étaient hostiles à Jésus, eh bien, puisqu'il est, il est celui qui rapporte ça d'une manière la plus précise, eh bien, c'était quelle est la puissance par laquelle Jésus accomplit ses miracles. Et la tradition juive, talmudique en particulier, eh bien, attribue les miracles de Jésus à l'occultisme. À l'occultisme, à la magie. Jésus était un magicien. Et il y a un certain nombre de textes qu'on trouve par exemple dans le Talmud, des textes qui d'ailleurs ne sont pas dans tous les exemplaires du Talmud, parce qu'ils ont été considérés par l'Église du Moyen-Âge comme étant, ayant un caractère blasphématoire, et l'Église romaine a censuré les exemplaires du Talmud. On ne le trouve que dans un certain nombre de rares manuscrits du Talmud où il est fait allusion à Jésus. Il faut savoir que le judaïsme, à partir du IIe siècle, ne s'est pas tellement intéressé à la question de Jésus et du christianisme. On n'a pas voulu polémiquer avec les chrétiens parce que c'était trop dangereux. Et il y a finalement très peu d'allusions à Jésus dans le Talmud. Mais une des rares allusions qui est faite à Jésus, c'est qu'il est accusé d'être un sorcier et aussi un idolâtre. Et notamment, il y a le récit de Matthieu qui parle de la descente de Jésus en Égypte. Et le Talmud écrit au IIe siècle que sous Yannaï, alors là c'est un anachronisme magnifique, Yannaï était un roi asmonéen qui vivait 70 ans avant Jésus, donc Jésus n'était pas né du tout du temps de Yannaï, mais disons le Talmud, qui n'est pas très au clair sur la chronologie, fait vivre Jésus à l'époque de Yannaï. Donc Jésus avait un maître, il était le disciple d'un rabbin qui s'appelait Ben Perachia, qui s'appelait d'ailleurs Yoshua, c'est-à-dire Josué, c'est-à-dire c'est presque le même nom que Jésus. Et finalement, à la suite de différentes circonstances, Jésus et son maître sont descendus en Égypte, à Alexandrie en particulier, Alexandrie, qui était la capitale évidemment de l'occultisme. Et là, donc, Jésus a été initié à la sorcellerie et il a ramené la sorcellerie. Un autre texte aussi, très hostile à Jésus, donne une autre tradition. Il nous dit que Jésus est entré dans le lieu très saint par effraction. Il n'avait pas le droit de le faire puisqu'il n'était pas de la race des grands prêtres, mais il l'a fait quand même. Et dans le lieu très saint, il y avait le nom de Dieu qui était écrit et qui était imprononçable et en même temps donc qui ne devait pas non plus être écrit. Parce que dans le nom de Dieu, il y a des pouvoirs extraordinaires. Et Jésus a réussi à copier ce qu'il y avait dans le temple et à le mettre sur sa cuisse, et grâce à cette connaissance qu'il avait du nom de Dieu, c'est par ce moyen-là qu'il aurait fait tous ces miracles. Voyez-vous, c'est une vision très très négative, mais voyez-vous qu'on trouve déjà dans l'Évangile et qui va se répandre aussi par la suite. Et voici ce que je vous ai dit. Jésus, par sa magie, a trompé Israël et l'a conduit à l'idolâtrie. Et la réponse, c'est justement que certains ont vu dans Jésus un magicien. Et on a un autre texte du Talmud qui nous dit que Jésus donc avait ce maître qui était Ben Perachia. Et il y a eu une controverse entre lui et son maître. Et le maître, donc, a eu cette mauvaise idée, alors c'est l'expression qu'emploie le Talmud, de repousser Jésus des deux mains. Et le texte dit, il aurait dû, comme l'avait fait Élisée vis-à-vis de Géasi, il aurait dû repousser Jésus avec sa main droite, mais le ramener avec sa main gauche, je veux dire, mais le ramener avec sa main droite. Et Ben Bechachia a chassé Jésus des deux mains. Et voyez-vous, c'est tout à fait anachronique, puisqu'on est ici à l'époque de Yanaï, mais disons, le professeur Flousset, qui a étudié ce texte, le trouve très intéressant, parce que ça veut dire que là, nous sommes dans ce temps, on est au deuxième siècle, oui, fin du deuxième siècle en tout cas, au moment où s'amorce la rupture entre le judaïsme rabbinique et les judéo-chrétiens. Et finalement, cette légende de Jésus repoussé de deux mains par son maître a pour but de montrer que dans cette rupture, les torts étaient partagés. Jésus, le christianisme, parce que c'est le christianisme en fin de compte, avait ses torts, mais finalement, les rabbins ont eu le tort d'excommunier le christianisme de leur saint. Et l'auteur, voyez-vous, de cette légende regrette cette rupture. On aurait dû finalement garder le christianisme au sein du judaïsme. Alors c'est quand même tout à fait intéressant. Maintenant, ça se termine de la manière suivante. Jésus, donc désespéré, puisqu'on l'a rejeté, eh bien, prend une pierre, l'adresse, en fait une idole et se prosterne devant elle. Bon, évidemment, là aussi, c'est totalement légendaire. Mais là aussi, pour le professeur Flousset, c'est une manière de dire que, en rejetant le christianisme du sein du judaïsme, eh bien, le judaïsme a amené le christianisme à devenir idolâtre. Deuxième siècle, c'est l'époque où on commence à avoir le culte de la croix, dans lequel les juifs ont vu et voient jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, un objet idolâtre. Et ça, justement, si le judaïsme avait gardé le christianisme en son sein, eh bien, le christianisme ne serait pas devenu idolâtre. Voilà, justement, ce que ça veut dire. Alors, voyez-vous, ici, on s'est un peu éloigné de notre sujet, mais finalement pas tellement, parce que nous retrouvons ça aussi dans un texte du Xe siècle, qu'on appelle le Toldot Yeshu, qui est un ouvrage vraiment blasphématoire. Tellement blasphématoire que les juifs en ont honte et ne le diffusent pratiquement plus, mais qui était en quelque sorte une réponse du berger à la bergère. C'était l'époque où, à la fin du Moyen-Âge, où les juifs commençaient à être odieusement persécutés par les chrétiens, et par conséquent c'était une manière de se défendre contre justement ces agressions dont ils étaient l'objet. Bon, je passe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, nous avons cette idée que pour un certain nombre de pharisiens, Jésus était un homme dangereux qui risquait de conduire le peuple d'Israël dans l'idolâtrie. Et c'est pourquoi on va retrouver ces gens-là associés avec les Sadducéens au moment du procès de Jésus. Bon, ça c'est donc ici un point. Maintenant, nous allons arriver au chapitre 17 et 18 de l'évangile de Matthieu, où il est question de cet épisode où Jésus donc va être amené à sortir des frontières d'Israël, comme je dis tout à l'heure, à la suite de la mise à mort de Jean-Baptiste par Hérode Antipas. Et Hérode Antipas, qui agissait pour le compte des Romains, bien entendu, Flavius Joseph, l'historien, nous dit que derrière cette affaire assez sordide de l'histoire de son mariage avec sa belle-sœur, il y avait en fait les Romains qui craignaient un mouvement messianique de la part de Jean-Baptiste, et qui donc avait mis aussi la pression sur Hérode pour qu'il mette à mort Jean-Baptiste, et ce faisant aussi, dans la foulée, il s'agissait de mettre à mort Jésus. Jésus va donc fuir le pays d'Israël. C'est la seule fois dans l'évangile, et c'est seulement Marc qui nous dit cela, c'est seulement Matthieu, je veux dire, que Jésus donc a quitté les frontières d'Israël pour se rendre, nous est-il dit, dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et là, c'est intéressant, il va rencontrer donc cette femme cananéenne, dont la fille est possédée du démon. Nous savons, par des passages qui ont précédé, que la renommée de Jésus s'était répandue dans la région de Tyr et de Sidon, et qu'il y avait des gens qui venaient de Tyr et de Sidon pour entendre Jésus. Donc il n'est pas surprenant que cette femme ait entendu parler de Jésus. Et voilà ici Jésus qui va avoir une attitude étrange. Jésus n'avait pas une très très grande estime des non-juifs. Les non-juifs font des longues prières, ils font des redites en espérant qu'ils vont être exaucés. Si ton frère a péché contre toi et qu'il n'écoute pas, eh bien qu'il soit pour toi comme un non-juif, comme un païen. Jésus était assez, comment dirais-je, avait un jugement assez négatif, disons les choses, sur les non-juifs. Et finalement, il ne répond pas à cette femme qui insiste. Et Jésus va dire ceci, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi Jésus, à part cette rare exception, ne sortira-t-il jamais des frontières d'Israël? Eh bien, parce que nous l'avons vu tout à l'heure, en tant que Messie, il est le rassembleur du peuple. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a une incompréhension entre lui et les pharisiens. Pharisiens, en hébreu ça se dit perouche, ça veut dire littéralement séparé. Les pharisiens étaient des gens qui se considéraient un peu comme l'élite du peuple d'Israël. Et par conséquent, qui rejetaient tous ceux qui ne vivaient pas dans cette pureté qui était la leur. Ça veut dire qu'ils considéraient que les lois qui s'appliquaient aux prêtres s'appliquaient en fin de compte à tous les Israélites. Et notamment les pécheurs, les publicains, les prostituées, les gens de mauvaise vie, etc., étaient pour eux considérés comme exclus de la communauté d'Israël. Et c'est pour eux que Jésus, par exemple, donnera les paraboles, par exemple, comme la parabole de la brebis perdue ou la parabole du fils prodigue, disant, mais le Messie est le rassembleur du peuple. Par conséquent, comme un berger, il doit aller à la recherche des brebis perdues. Quelles sont les brebis perdues de la maison d'Israël ? Les publicains, les prostituées, les gens de mauvaise vie. Et par conséquent, ils mangeaient et buvaient avec eux, ça veut dire ils les réintégraient dans la communauté d'Israël. Car manger avec quelqu'un, c'est manifester une communion dans la Bible. Et par conséquent, ils étaient ainsi réhabilités et réintégrés dans la communauté d'Israël. On a une autre parabole qui va dans le même sens, c'est la parabole du grand festin, où les invités s'excusent et finalement le maître dit aller chercher tous les paumés qui sont partout, n'est-ce pas, que ce soit eux qui viennent participer au festin, ce qui est effectivement la mission du Messie telle que Jésus l'a concevée. Donc Jésus était le rassembleur du peuple d'Israël. Pourquoi ? Pourquoi du peuple d'Israël et pas des païens ? Eh bien, parce que la vocation du peuple d'Israël, selon ce qui est écrit dans les prophètes, et notamment dans le chapitre 49 du livre du prophète Ésaïe, c'est le fait que le peuple d'Israël doit être la lumière des nations. Et pour qu'il soit la lumière des nations, eh bien, il faut qu'il soit à un certain niveau spirituel auquel Jésus essayait justement de l'élever. Et dans un deuxième temps seulement, le peuple d'Israël accomplirait sa mission telle que les prophètes l'avaient conçue, à savoir amener ensuite toutes les nations à la foi dans le Dieu unique. Et vous retrouvez ça évidemment aussi dans l'évangile de Matthieu, où après la résurrection, Jésus dit maintenant, eh bien allez vers toutes les nations pour faire de toutes les nations des disciples. Parce que maintenant c'est un deuxième temps. mais pour un premier temps, simplement les brebis perdues de la maison d'Israël. Et finalement, cette femme, vous savez, Jésus va être très dur. Il la compare à un chien. Il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et donner au petit chien. Et finalement, il y a l'humilité de cette femme qui dit, oui, mais Seigneur, mais les petits chiens ont le droit de manger les miettes qui tombent de la table des maîtres. Voyez-vous, elle va être exaucée, cette femme, à partir du moment où elle va reconnaître les privilèges d'Israël. Et aussi, dans le style midrashique qui est le sien, pour Matthieu, c'est une manière de dire, eh bien, les païens doivent reconnaître, pour pouvoir participer aux bienfaits d'Israël, doivent reconnaître les privilèges d'Israël, et c'est à cette condition, et à cette condition seulement, qu'ils y seront associés. Hélas, l'Église chrétienne ultérieure a été bien loin, évidemment, de cet idéal, comme on le sait. Donc, ça c'est un épisode très important, parce qu'il nous montre justement ce qu'a été l'attitude de Jésus vis-à-vis des païens pendant son ministère, et comment Jésus concevait son propre ministère auprès de son peuple d'Israël. Et de là donc, Jésus se rend sur l'Hermon, dans l'Hermon. Et là donc, il arrive dans cette capitale de ce royaume, cette tétrarchie de Philippe, un des fils d'Hérode, la Bible ici appelle Césarée de Philippe pour la distinguer de la Césarée maritime qui était la capitale de la Judée pour les Romains. Et là, il va y avoir cette fameuse confession de Pierre. Et la confession de Pierre, c'est un tournant. C'est un tournant dans le ministère de Jésus. Jésus, maintenant, pour la première fois, va se déclarer le Messie, en tout cas auprès de ses disciples. Les disciples le reconnaissent comme le Messie. Et Jésus, donc, ici, va... il y a tout un texte très intéressant. C'est la première fois dans le Nouveau Testament qu'il est question de l'Église. Il y a un jeu de mots qui est en général très très mal traduit dans la plupart de nos Bibles, où Jésus dit « Et moi je te dis que tu es Pétros ». Pétros en grec, ça veut dire une pierre. Et sur cette pétra, c'est-à-dire sur ce rocher, voyez-vous, il ne faut pas traduire les deux mots de la même manière. Pétros, c'est une simple pierre. Pétra, c'est une immense pierre, c'est un rocher. Et comme dira Pierre lui-même ensuite dans son épître, ce n'est pas sur Pierre que l'Église va être construite, mais sur Jésus, c'est-à-dire sur l'affirmation de Pierre, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et voyez-vous, cette formule qui est le fondement de toutes les églises, fidèles en tout cas, et Paul le dira aussi dans la première aux Corinthiens, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Voyez-vous, dans l'histoire de l'Église, les théologiens ont réfléchi pendant 4 siècles sur cette formule, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Parce qu'ils étaient véritablement conscients que c'était la pierre fondamentale sur laquelle, justement, s'élevait l'édifice de l'Église. Et finalement, cette réflexion, eh bien, elle a abouti à ce qu'on appelle les conciles christologiques, et notamment la fameuse formule de Nicée, la déclaration de Nicée, et finalement l'extension de cette expression « tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Et il est intéressant de noter que dans cette période de 4 siècles, toutes les hérésies possibles et imaginables en ce qui concerne la christologie ont été faites. Et depuis lors, plus personne ne remet en question la christologie. Et la christologie, finalement, elle est une réalité qui unit toutes les églises, qu'elles soient orthodoxes, catholiques, protestantes, etc. Et il n'y a plus aucune controverse aujourd'hui sur la christologie. Sur des détails avec un certain nombre d'églises orientales qu'on appelle les églises non chalcédoniennes, mais en tout cas qui ne touchent pas l'essentiel. Ce n'est que dans des milieux évangéliques où on ignore l'histoire, eh bien qu'on refait régulièrement les mêmes hérésies. On trouve ça par exemple aussi avec les témoins de Jéhovah, etc. Bon. Donc ici, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Sur ce rocher, je bâtirai mon Église. Qu'est-ce que Jésus appelle Église ? Eh bien, c'est la traduction d'un mot hébreu qu'on trouve chez les Esséniens et qui se dit Yachad. Yachad, ça veut dire le fait d'être ensemble, c'est-à-dire une communauté. Et donc, ici, Jésus entend construire, en attendant justement le rassemblement de tout Israël au dernier jour, il entend construire une communauté qui sera en quelque sorte l'Israël de Dieu, ainsi que Paul le reprend dans l'Épître aux Galates. Et ça, c'est exactement l'idéologie des Esséniens. Les Esséniens étaient conscients que le peuple d'Israël avait connu de très nombreuses périodes d'apostasie dans son histoire, et que finalement, l'apostasie, c'était quelque chose qui avait donné naissance à ce que les prophètes appellent le reste d'Israël. Il y a un reste à toutes les époques, les 7000 à l'époque d'Élie, par exemple. Et donc, ces 7000, ce reste a permis la pérennité du peuple d'Israël dans les périodes d'apostasie et par conséquent l'accomplissement du plan de Dieu. Et les Esséniens étaient des gens qui pensaient qu'ils étaient effectivement cet Israël de Dieu, les fils de la lumière, la communauté de ceux qui étaient restés fidèles à l'alliance, qui allaient entrer dans cette nouvelle alliance qui avait été annoncée par les prophètes. Et que finalement, leur mission était de garder ce dépôt qui avait été communiqué par leur fondateur, le maître de justice, comme il l'appelle, mais au temps de la fin, finalement, tout Israël se rallierait à ce qu'était leur vision. Donc, ils avaient un rôle essentiel à jouer dans le plan de Dieu. Jésus reprend la même idée. L'Église, c'est une réalité qui doit représenter le reste d'Israël. Alors pour l'heure, il n'est encore pas question de l'intégration des nations et des non-juifs dans cette Église. Yahad, c'est quelque chose qui est en principe constitué essentiellement du reste d'Israël. Et dans la suite, dans l'issue du livre des Actes en particulier, nous voyons que finalement, la division entre Église et Israël n'est pour les apôtres qu'une situation provisoire qui, au temps de la fin, disparaîtra. Puisque finalement, au temps de la fin, il n'y aura plus de différence entre l'Église et Israël. Donc, ici, on est dans un tournant fondamental. Bon, ça demanderait de longs développements, mais mon temps passe. Et voyez-vous, juste après ça, donc, il y a ce secret messianique. Jésus interdit de dire qu'il est le Messie. Et en même temps, il va annoncer la Passion. Trois annonces de la Passion. Et dans ces trois annonces de la Passion, Jésus donc désigne ses bourreaux, à savoir ce qu'il appelle les pécheurs ou les nations. Ce qui est une manière codée de désigner les Romains. Donc le Fils de l'homme, dit Jésus, va être livré entre les mains des pécheurs, ou il va être livré entre les mains des nations, qui le crucifieront, le mettront à mort, etc. Et le troisième jour, il ressuscitera. Donc ici, nous avons cette situation où le Fils de l'homme, donc, de Daniel, par sa passion, manifestera aussi les jugements de Dieu au dernier jour. Et de là, Jésus va rentrer donc dans son pays, l'alerte est passée et il va continuer donc son ministère jusqu'au moment où aura lieu effectivement la passion. Et là, au chapitre 18 de Matthieu, nous avons un grand discours sur la vie en communauté. Jésus crée cette communauté et il nous donne des règles, c'est-à-dire une halakha, on dirait en hébreu, ou derrière Aretz, comment justement vivre dans la communauté. À savoir, d'abord, que cette communauté est exactement le contraire de ce qui se passe dans le monde. Où, finalement, ceux qui sont les plus grands, ceux qui sont les dirigeants, doivent être comme les plus petits, comme ceux qui servent. Ça, c'est un premier point. On ne doit pas dominer, les leaders de la communauté ne doivent pas dominer avec dureté sur les autres. Au contraire, ils doivent se faire les serviteurs de tous, exactement comme Jésus l'a été. Deuxièmement, cette communauté est une communauté où on pratique le pardon. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère ? Demande Pierre, qui croit être sublime quand il dit jusqu'à 7 fois, et je lui dis jusqu'à 77 fois cette fois. Donc ici, c'est une communauté où le pardon est au centre. Donc l'amour fraternel et le pardon. Ce qui n'exclut pas une discipline qui peut être éventuellement même assez sévère. Puisque, comme chez les Esséniens d'ailleurs, elle peut aller jusqu'à l'exclusion de la communauté en cas d'endurcissement du rebelle. Et Jésus nous donne ici tout un processus pour ce faire. On pourrait ajouter aussi la règle sur le divorce que Jésus donne ensuite, qui rejoint aussi à ce qu'on trouve chez les Esséniens. Donc ici, toute une éthique familiale. Les Esséniens, certains d'entre eux se mariaient, c'était pas tous les Esséniens qui étaient célibataires. On a parfois pensé que tous étaient célibataires. C'est pas vrai, on a des textes qui montrent qu'il y avait des Esséniens qui se mariaient, et chez eux, exactement comme chez Jésus d'ailleurs, le divorce était quelque chose qui n'était pas envisageable, du moins, en tout cas, le remariage. Le divorce, éventuellement, la séparation, si la cohabitation était impossible, mais certainement pas le remariage. Donc nous avons ici toute une halakha chrétienne, si vous voulez, une halakha de Jésus, qui concerne justement cette grande communauté que Jésus a créée. Bon, je vais m'arrêter là pour ce soir. On va avoir un petit temps de questions si vous le voulez. Et puis la prochaine fois, bien, nous parlerons de discours sur les choses dernières. Je n'ai pas entendu ou retenu le pourquoi. Pourquoi Jésus fuyait à Tyrée-Sidon ? Tyrée-Sidon ? Parce qu'il était poursuivi par Hérode Antipas. Ah oui, c'est ça. Hérode Antipas. Et les pharisiens avaient eu le vent de l'affaire, et ils avaient dit « Fuis, parce que Héros Antipas cherche à te tuer. » Et alors ensuite aura lieu la transfiguration. La transfiguration, qu'est-ce que c'est ? C'est en quelque sorte une relation entre avec la confession de César et Philippe. 6 jours après, donc il est pris sur une haute montagne, et là donc il fut transfiguré. Qu'est-ce que c'est la transfiguration ? C'est une anticipation de la parousie, ça veut dire de la venue de Jésus dans sa gloire. Et par conséquent, c'est une manifestation de sa messianité. Les disciples ont cru qu'il était le Messie, maintenant ils en ont la démonstration. Dans les signes sur le Messie qui doit ressusciter les morts, est-ce qu'il y a des références dans l'Ancien Testament ? Tout à fait. Par exemple, dans Michée, le texte le plus important, c'est Michée. J'ai dit cherchons, retournons à l'Éternel, car il a frappé, mais il nous guérira. Le troisième jour, il nous rendra la vie. Je ne sais plus. Michée, c'est un petit livre, vous le retrouvez facilement. Hein. Mais si vous voulez, cette idée que finalement Dieu ne laisse pas souffrir le juste plus de 3 jours. Alors 3 jours, évidemment, c'est pas à prendre au sens propre du terme. Mais disons, ça veut dire Dieu ne permet pas au juste qu'il souffre plus qu'il ne pourrait en supporter. C'est ce que Paul reprendra par exemple dans 1 Corinthiens 10 quand il dit Dieu ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais il nous donnera aussi le moyen de sortir de l'épreuve. Et donc, on a appliqué ça au Messie dans la tradition juive ultérieure, à savoir que il y a très allusion à de nombreuses allusions à trois jours. Les trois jours, par exemple, où les frères de Joseph sont enfermés dans la prison. Et le troisième jour, donc, Joseph les fait sortir en disant ben, « Ne craignez rien, moi aussi je crains Dieu », etc. quoi. Il y a plusieurs textes qui nous montrent justement ça, que le troisième jour est un jour très important. Et ce faisant, donc, il y a cette idée que dans certains milieux, et notamment chez les Esséniens, on a retrouvé ça, ça a été très surprenant ces derniers temps, de retrouver des textes où les Esséniens affirmaient que le Messie serait le transpercé de Zacharie 12, c'est pas celui qu'ils ont percé, et par conséquent serait mis à mort et ressusciterait. Tout à l'heure, tu n'as donc pas parlé de l'Église, et donc de parler de l'Église et d'Israël, hein, en faisant un petit peu le lien. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses qui parlent d'Israël, bien sûr. Hein. Oui. Et alors, est-ce qu'on a le droit, disons, de prolonger ça pour l'Église aussi? Oui. Oui, on a le droit, bien sûr. Comme on a le droit de prendre pour soi des textes de la Bible qui soudain nous parlent d'une manière particulière. Mais disons, il faut d'abord rendre à César ce qui est à César. On a le droit de les prendre pour soi, mais non pas de confisquer à Israël ces choses. Finalement, c'est ce que disait Justin Martyr à Tryphon dans le fameux dialogue. Il disait « Vos écritures, ou plutôt les nôtres ». Vous savez, il a dit ceci « Vous n'avez reçu, vous les Juifs, les Écritures que pour nous les transmettre à nous les chrétiens. » Et ça, c'est une aberration. Nous avons, comme le dit le texte de d'Éphésiens 2, nous sommes intégrés, nous les non-juifs, dans la politéia d'Israël, c'est-à-dire le commonwealth d'Israël. Ça veut dire, nous avons part aux richesses d'Israël, mais ces richesses, elles nous sont communes. Ce sont les richesses d'Israël qu'Israël consent, en quelque sorte, à partager avec nous. Que les apôtres, en tout cas, ont consenti à partager avec nous. Ça veut dire, c'est pas parce que nous bénéficions de ces promesses qu'Israël en est privé. Bonsoir. La première question, c'est le fait que les pharisiens accusent Jésus d'être idolâtre, est-ce que ça veut... Enfin, moi, je l'ai compris comme ça, mais peut-être tu m'as compris. C'est que lui-même était devenu une idole à leurs yeux, c'est comme ça qu'il le voyait. Non, non, je pense pas. Non, je pense que là, on est dans une controverse qui est plus vieille de deux siècles que les évangiles. C'est-à-dire, dans une controverse, non plus tellement au sujet de Jésus, mais au sujet du christianisme, des relations entre le judaïsme et le christianisme. Et les rabbins de cette période constataient qu'il y avait une dérive du christianisme vers des positions idolâtres. Et ils ont essayé de comprendre d'où venait justement cette dérive. Et c'est là qu'ils ont forgé cette légende de Jésus qui a dressé cette pierre, etc., etc. C'est-à-dire qu'ils dénonçaient en fait une paganisation du christianisme, et finalement ils arrivaient à la conclusion que si le peuple d'Israël, si les rabbins en particulier, avaient été un peu plus vigilants, cette dérive aurait pu ne pas avoir lieu si on avait continué à dialoguer avec les chrétiens pour essayer de les ramener. Je crois que c'est ça la philosophie qu'il y a derrière cette, on appelle ça une raïta en hébreu. Et ma deuxième question, c'est par rapport à l'Église, certains disent qu'en hébreu, ça vient du mot Keïla. Oui, oui, oui, il y a plusieurs étymologies possibles, en effet. Il y a trois mots, en fin de compte, qui peuvent traduire l'Église. Kea, effectivement, Keïla, et aussi Eda. Eda, ça vient du mot Ed en hébreu, qui signifie témoin, témoignage. Donc l'EDA, c'est la communauté de témoins. Donc c'est aussi une des définitions possibles de l'Église. Mais depuis la découverte des manuscrits de la Mer Morte, les Esséniens emploient aucun de ces deux mots-là, ils emploient le mot de Yahad. Être ensemble, donc être une communauté qui est soudée, qui en quelque sorte représente le virus Israël, le véritable Israël, ce que Paul appellera aux Corinthiens, aux Galates, je veux dire l'Israël de Dieu, c'est-à-dire le reste fidèle d'Israël, quoi. Alors évidemment, effectivement, on peut le traduire, parce qu'en grec, on a le mot ecclésia. Ecclésia. D'accord. Et Keïla, quelle est la nuance que ça porte? Keïla, c'est aussi être ensemble, en fait. Donc c'est rassemblement. Keïla, c'est être ensemble. Et alors, puisque je sais que vous lisez le Nouveau Testament d'Hébreu, quel est le mot qu'ils ont choisi dans l'hébreu moderne pour traduire église? Les messianiques emploient le mot Keïla en général. Oui. Merci. Jésus est donc sévère avec la femme syrophénicienne, oui. en lui disant chien. Oui. Alors, dans l'esprit de Jésus, que signifiait ce mot? Est-ce que c'était presque une injure? Est-ce que c'était. Pourquoi ce terme tellement fort? Oh oui, il y avait un aspect injurieux, hein. Ça c'est sûr. Elle avait de quoi se braquer, cette femme. Parce que traité dans la culture orientale, pas seulement juive, mais jusqu'à aujourd'hui, par exemple chez les Arabes, traiter quelqu'un de chien, c'est la pire injure que vous pouvez leur adresser. Et là, Jésus, il n'y a pas été de main morte. Alors évidemment, c'était une mise à l'épreuve de cette femme. Est-ce que finalement, elle allait se braquer et puis se vexer? Ou au contraire, et là justement. Oui, donc Jésus a voulu la tester. Oui, il a voulu la tester, bien sûr. Ah, oui. Pierre semble être le seul à désigner Jésus comme Messie. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il était le porte-parole des autres? Je pense. Et pas seulement lui aurait eu cette révélation. Bon, il l'a eu pour les autres, quoi. Et finalement, il est certain que les autres apôtres ont acquiescé à cette affirmation de Pierre. En tout cas, ils ne s'y sont pas opposés. En tout cas, aucun texte ne laisse entendre qu'ils pouvaient s'y être opposés. Et c'est devenu effectivement ensuite la base de l'Église. On voit ça avec Paul, le texte de Corinthiens que j'ai évoqué tout à l'heure. Enfin, on trouve ça aussi chez Pierre lui-même. On trouve ça chez Jacques. Dans l'épître de Jacques, etc. Et est-ce que c'est pas ça qui justifie la prépondérance de Pierre dans l'Église catholique? Oui, il est indiscutable que finalement il y a une certaine primauté de Pierre. Ça c'est clair. Justifié ou pas justifié? Justifié, il était en quelque sorte le leader. Et finalement il le dira lui-même. Vous savez, dira-t-il. À la conférence de Jérusalem, que dès le commencement, Jésus a fait le choix pour moi, pour que je sois en quelque sorte le porte-parole. C'est lui qui va être le porte-parole aussi des 12, ou des 11 plus exactement, le jour de la Pentecôte. Il va être celui qui va être l'apôtre des circoncis comme Paul et l'apôtre des incirconcis, même si les autres apôtres aussi sont allés vers les circoncis. Donc oui, il y a une primauté de Pierre, c'est sûr. Il sert aussi à démontrer la puissance du pardon de Dieu après son triple renouvellement, bien sûr. Renouvellement. Ouais, j'aurais une petite question sur le chapitre 18 et le verset 15. Oui. Comme il parle, si ton frère pêche, va et reprends-le. Oui. Et ensuite, au verset 17, il dit, et s'il refuse de t'écouter, dis-le à l'Église, et si l'Église ne veut pas écouter, donc qu'il soit un païen ou un publicain. Oui. C'est-à-dire qu'il soit exclu de l'Église. Oui. Et qu'il ne doit pas revenir à l'Église. C'est-à-dire qu'il soit comme toi, un publicain, ça veut dire quelqu'un qui est hors du coup, quoi. Oui, il est considéré. Oui, il est plus. On retrouve ça à Qumran, vous voyez. on retrouve exactement ça à Qumran. Il y a tout un processus aussi pour ceux qui éventuellement seraient des rebelles et qui en fin de compte sont exclus. Ouais, ouais. Donc ça tranche avec ça nuance avec l'image du doux Jésus. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Jésus, parfois, il était sévère, ça c'est clair. Je peux dire quelque chose. Bonsoir. Moi, je me posais la question depuis très longtemps, pourquoi parmi les 11 qui restaient, Jésus avait choisi Pierre. Mais en fait, c'est comme une révélation. Quand il pose la question, Jésus pose la question à Pierre, qui dis-tu que je suis ? Jésus répond, je suis le Messie. Pierre, oui. Tu es le Messie, oui. Et le Fils de Dieu. Et Jésus répond, c'est mon Père qui t'a révélé voilà. Ceci. Voilà. Et c'est là qu'on voit que Pierre avait une relation avec Dieu le Père. Oui, c'est sûr. Et peut-être les autres n'avaient pas cette relation comme Pierre. C'est possible, on peut le supposer. Ben oui, parce qu'il a bien fallu qu'ils choisissent, et donc ça n'a pas été fait au hasard. Mais attention, il faut savoir que le choix de Dieu n'est pas toujours motivé. Et ça, c'est justement le domaine de l'élection de la grâce. Dieu choisit qui il veut, comme il veut, et il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit sur ses motivations. Et c'est notamment le cas, par exemple, en ce qui concerne le choix d'Israël. Et Dieu dira donc à Israël par la bouche de Moïse, ce n'est pas parce que tu es un peuple plus intelligent, plus grand, plus malin que les autres, oui, que l'Éternel t'a choisi, mais c'est parce que l'Éternel t'aime. Mm. Voilà. C'est-à-dire que, ça c'est ce qu'on appelle en hébreu le chesed, c'est-à-dire la grâce, oui, la bonté, oui, l'amour, oui. Comme par exemple un jeune homme qui tombe amoureux d'une jeune fille, c'est le coup de foudre. Pourquoi? Finalement, on pourrait dire, ben, cette fille-là, elle casse pas plus qu'une autre. Pourquoi il a choisi celle-là? Vous lui demandez, ben voilà, parce qu'elle me plaît, c'est tout. Oui, c'est le regard de celui-là qui regarde. Oui. Merci pour ce que tu dis que c'est la grâce, que c'est pas obligé. Parce que, il y a pas, voilà, Dieu n'a pas de compte à rendre sur les raisons de ses choix. Dieu choisit souverainement qui il veut comme il veut. Et Paul dira, il choisit les choses faibles du monde, les choses viles du monde, pour confondre les saints. Oui. Oui, quelque chose qui m'a étonné aussi, c'est la cananéenne, elle l'appelle quand même, donc c'est une étrangère, que ça se passe à l'étranger ou en Israël, mais elle l'appelle quand même fils de David. Oui. C'est étonnant. Oui, ça montre que c'était une femme qui avait quand même était assez proche du judaïsme, oui. Judaïsme, oui. De l'Israël. Ah oui. Mais Dieu a choisi des veuves qui ne sont pas juives, alors qu'il devait y avoir beaucoup de femmes juives qui étaient dans le besoin. C'est exactement ce que Jésus dit dans la synagogue de Nazareth. Mm. Il a choisi aussi de guérir Naaman le Syrien, oui, alors que, comme dit Jésus, il y avait de nombreux lépreux en Israël. Ouais. Ah oui. Bien, dernière question, puis on s'en tient là pour ce soir. Merci. Mais Naaman, il a écouté une petite juive. Oui, bien sûr. Moi, j'aimerais savoir ce qui est dit sur Jésus dans le Talmud. Mmh. Est-ce que c'est enseigné? C'est enseigné, non pas vraiment, parce que, d'abord, ce sont quelques courts passages, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le Talmud ignore en général le christianisme et la personne de Jésus, parce qu'on ne veut pas se mettre les chrétiens à dos. On est en quelque sorte tributaire des chrétiens, donc automatiquement, il ne faut pas les provoquer. Et disons, ces rares passages, quelques rares passages qu'il y a dans le Talmud, ont été censurés par l'Église du Moyen-Âge. Donc dans la plupart des exemplaires du Talmud, ils ne se trouvent pas. Il n'y a que dans quelques rares textes du Talmud qu'on les retrouve. Et actuellement, non, le judaïsme... On sait très bien que, par exemple, prendre l'idée que Jésus est né à l'époque de Yannaï, aucun historien sérieux ne s'arrêtera à ça. C'est de la bêtise, quoi. Jésus est né 70 ans après. Mais je ne comprends pas bien sur ce que tu dis par rapport à l'Église et au Talmud. C'est l'Église qui a donné les publications du Talmud, c'est pas l'Israël ou le... Oui, c'est-à-dire que jusqu'au Xe siècle, l'Église romaine, puisque c'était la seule qui avait cette époque-là, considérait les Juifs comme les frères aînés. C'est-à-dire le peuple de ce qu'on appelait l'Ancien Testament. Et au Xe siècle, les chrétiens ont découvert qu'à côté de la Bible, les Juifs avaient un autre livre qui était le Talmud. Mm-hmm. Et ça a contribué à, à exacerber l'antisémitisme chrétien. Les Juifs ont cessé d'être les frères aînés. Et on s'est mis à éplucher le Talmud. Et on s'est rendu compte qu'il y avait ces passages qui ont été considérés comme blasphématoires en ce qui concernait Jésus. Et il y a eu, par exemple, ici à Paris, dans cette période-là, il y a eu une fameuse disputation avec Rabbi Yehiel de Paris, qui était le grand rabbin de Paris, sur la question du Talmud. Et finalement, l'Inquisition a conclu que le Talmud devait être brûlé. Et on a fait un énorme auto-da-fé de Talmud. Plusieurs charrettes de Talmud, pleines de Talmud, ont été brûlées sur la place de Grève à Paris. Et, en fin de compte, on est arrivé à un accord que les Juifs avaient le droit de continuer à avoir le Talmud à condition d'éliminer de toutes les éditions ultérieures du Talmud tous les passages qui étaient considérés comme blasphématoires par les chrétiens. D'accord. Voilà. Bien, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci. Merci.